Cause I done seen a smile in your face. Jimmy C, so gone inside. And this song fell, but you know what I mean. A real time. Sourire, mais comment tu veux que je l'aie, je le déplore. J'implore Dieu, mais rien à faire ici, je vois que des pleurs. Un monde dévasté par la rage et par la rancœur. Un monde où les vainqueurs possèdent tout sauf un grand cœur. Ici pas même quand on a tout, on en veut encore. Ceux qui avancent ne plus sont pris Satan comme mentor. La boîte de Pandore a dispersé tous ses vices. À croire que Dieu le Père du Christ a condamné tous ses fils. Mais même en enfer, je continuerai le combat. Je ne compte pas me laisser faire, malgré les coups je ne tombe pas. J'ai côtoyé la peine, des années ta détresse. La haine s'inscrit dans mon regard, car elle me laisse des traces. J'ai accepté la mort du sourire sur mon visage. À force de ne plus voir la joie, pas même un de ses rivages. Des mauvaises images dans nos cerveaux très tôt. Au fait que dans nos ghettos, les sourires se dessinent au couteau. Conscient que ces lyrics valent l'hôpital psychiatrique. Je veux juste montrer les conséquences du système qu'il fabrique. On ne guérira jamais vraiment de nos cicatrices. Tout ça m'attriste, je me bats en tant qu'artiste. Bienvenue en enfer, j'espère que t'es prêt pour le choc frontal. Il va te falloir beaucoup de courage vu ce qu'on a frontal. C'est corps du perso jusqu'à la pierre tombale. Ne cherche pas un sourire, c'est mort, nos visages sont pâles. 2011 hier toujours, des mendiants qui crèvent la dalle. Des tribus cannibales, des enfants mis à la tasse. Y'a trop d'innocents qui sous des rafales de Balkan. Trop de bad boys, plein de fans qui lâchent des lyrics pas de gamme. La jeunesse de nos jours s'en bat les couilles de tout. Elle repart des causes, retrouve au poste, c'est un truc de faux. Faut qu'on trouve une riposte, qu'on reste fidèle au poste. Qu'on bosse pour le futur, parce que c'est ce monde qu'on écrase. Nos gosses, et ça me fait réfléchir. Noir sur nos perspectives, faut pas fléchir ou faire les lâches en faisant les mecs qui esquivent. Avec Jimmy, on vient pour se battre en toute modestie. Mon couple et s'achève, c'était mes derniers mots. Même si j'ai plus le sourire, garde la tête ou oh, oh, oh. J'peux pas filer en design, j'peux voir les bien sourire. Moi jusqu'au bout, j'me battrai every day. Même si j'ai plus le sourire, garde la tête ou oh, oh, oh. J'peux pas filer en design, j'peux voir les bien sourire. Moi jusqu'au bout, j'me battrai every day. We can find a smile again. You and me can change the world. Don't wanna see no more tears in your eyes. Deep inside your heart, we can find a smile again. You can change the world. Don't wanna see no more tears in Man, your eyes. Man, see the GMI SI SSOKO. You know what I mean? Injection verbal.